Matinée, ça tombe bien. C'est que du fun, vous accompagne jusqu'à 10h sur Fun Radio. Allez, c'est parti, c'est que du fun jusqu'à 10h. Et pour m'accompagner comme chaque jour, il y a Kaufman. Salut Kaufman, ça va? Oui, bien, le dimanche matin, ce qui est très agréable, c'est que tu te réveilles tranquillement, tu prends ton petit-déj et tu vas sur la route, il n'y a absolument personne. Il n'y a aucun bouchon, c'est ça qui est bien, non? Ah ouais, tout le monde est en train de faire sa grasse matinée et on est là, heureusement, pour vous accompagner en douceur, en beauté aussi, parce qu'on va vous régaler jusqu'à 10h. C'est que du fun, les amis, soyez les bienvenus dans cette émission, dans ce morning belge que Fun Radio vous propose chaque samedi, chaque dimanche, 7h, 10h. Eh bien, on vous souhaite un bon réveil. Ouais, bon réveil, t'as mangé quoi ce matin? Du hareng. Du hareng? Oui. Direct au matin, toi? Ah, moi, ça me réveille, c'est instantané. Le hareng avec les oignons, ne m'approche pas parce que je pue de la gueule. C'est ça l'odeur donc dans le studio, je me disais bien aussi. Dans quelques minutes, le Saral, le Salove, Kaufman, tu as râlé. Ah oui, moi j'ai râlé parce qu'on peut être jeune, mais on peut être aussi très con. Ah oui, c'est vrai, je le prouve. Ici même, il y aura aussi Destination Web, Kaufman. Oui, on parlera du covoiturage qui a le vent en poupe en Belgique. On fera également des paris sportifs, il y aura le Fun Game. Oui, on parlera de World of Warcraft Légion qui vient de sortir et qui n'a pas encore révélé tous ses secrets. Sur quelle console il vient de sortir? PC. Sur PC, donc World of Warcraft. Exactement. J'ai toujours un très bon accent quand même, hein, c'est fou. C'est pas pour rien que tu travailles à la Commission européenne comme traducteur officiel. Hein, c'est vrai. Allez, maintenant, les infos des bonnes nouvelles sur Fun Radio. Le journal des bonnes nouvelles. Bonjour à tous, Bridget Jones, la plus célèbre des célibataires anglaises incarnée par Renée Zellweger, revient au cinéma. Le film Bridget Jones Baby a été présenté en avant-première mondiale à Londres en début de semaine, 12 ans après le précédent opus. Après le journal de Bridget Jones en 2001 et Bridget Jones l'âge de la raison en 2004, Bridget Jones Baby relance la saga cinématographique à succès. Les deux premiers volets mettaient en scène une Bridget Jones trentenaire en plein triangle amoureux, n'arrivant pas à choisir entre un avocat séduisant et un publicitaire incorrigible coureur de jupons. Dans le nouveau film, l'héroïne maladroite, malchanceuse et accro au vin blanc a désormais 43 ans et est de nouveau célibataire, plus mature mais toujours fragile. Bridget, qui croit maintenant mieux maîtriser sa vie, va se retrouver à nouveau prise dans une série de péripéties amoureuses. Bonne nouvelle pour les amateurs d'hamburgers. QSR Belgium, le groupe d'investissement qui a racheté Quick Belgique, annonce ne pas vouloir faire disparaître l'enseigne chérie des Belges, mais plutôt la faire cohabiter avec Burger King. QSR est en train d'élaborer un plan marketing pour relancer la marque. Si certains Quick seront transformés en Burger King, d'autres subsisteront donc bel et bien. Ceux qui craignaient de ne plus pouvoir goûter au délicieux Giant sont donc rassurés. Ils pourront encore le dévorer, mais bien évidemment toujours avec modération. Emma et Louis restent les prénoms préférés des Belges. Emma comptait en 2015 la tête des prénoms féminin préféré pour la 13e année consécutive, alors que Louis était le prénom le plus répandu pour la 3e année de suite chez les garçons. Les prénoms varient selon les régions et de nouveau apparaissent chaque année. Ainsi, la Flandre et la Wallonie n'ont que deux prénoms masculins en commun, Noah et Arthur, et trois pour les filles, Louise, Olivia et Emma dans leur top 10. En Wallonie, Louis, Hugo, Nathan, Noah et Gabriel sont les prénoms les plus utilisés, tandis que Léa, Lucie, Alice, Emma et Chloé sont les prénoms féminins les plus donnés. En l'espace de 20 ans, le nombre de prénoms différents a augmenté de 62% chez les filles et 66% chez les garçons. Si vous pensez que votre chien saisit tout ce que vous dites, la science vous donne raison. Des chercheurs d'une université de Budapest ont observé l'activité cérébrale de 13 chiens lorsque leur maître leur parle de façon neutre ou positive. Résultat, le cerveau canin est bien plus semblable au nôtre que ce que nous pensons. Nous savions déjà que les chiens savaient percevoir nos émotions, mais selon les conclusions de cette étude publiée récemment, les chiens sont aussi capables de reconnaître des mots de leur maître et comprendre leur signification grâce à l'intonation. Et les chiens sont élevés dans une atmosphère riche en mots, dans une famille Jérémy par exemple, il sera capable de développer ce sens de l'interprétation. Pour les scientifiques, cette étude permettra à l'avenir de mieux comprendre la communication entre les hommes et leurs plus fidèles compagnons. N'hésitez donc pas à parler à votre chien. On termine ce journal des bonnes nouvelles avec un petit mot sur la météo du week-end. Le soleil devrait encore être avec nous tout au long de ce week-end. Quelques averses sont à craindre pour ce dimanche en matinée. Les températures resteront très agréables et le bon temps devrait encore nous accompagner pour le début de la semaine prochaine. Belle journée avec nous sur Fun Radio et tout de suite, c'est que du fun jusqu'à 10h. Le journal des bonnes nouvelles. When these stars start to fall, will you love me? Will you call? I need you close. Don't run away. Don't run away. Chasing highs in the midnight sun. We fought for love. We were on the run. Tried my best to give you what you need. So one more chance. Please don't leave. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. C'est le duo et le couple de l'année, Rihanna et Drake sur Fun Radio. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand. Place au Saral Salov et moi j'ai lové Kaufman sur une adolescente de 16 ans qui a été emmenée à l'école d'une manière très originale. Est-ce que t'es au courant? Tu m'as fait peur parce que la manière dont tu commences. Pourquoi? J'ai lové sur une adolescente de 16 ans. Je me suis dit, ok, t'es jeune, mais pas à ce point, hein, quand même. Non, parce qu'elle a été emmenée à l'école d'une manière très originale. À ton avis, comment? C'est un moyen de locomotion original. Ouais. Ok, en trottinette? Non, c'est pas ça, c'est en... un... Vas-y, tu veux, en overboard? Un overboard non plus, non? Bon, vas-y, ça m'énerve. Un groupe de motards s'est chargé de l'accompagner pour qu'elle ne doive plus jamais subir les intimidations de ses camarades. Elle se faisait, en quelque sorte, agresser à l'école. Il y a un groupe de motards, une trentaine de motards, qui sont venus avec elle et qui l'ont emmenée à l'école. Depuis, plus un bruit dans l'école. Elle ne se fait plus embêter par qui que ce soit. C'est déjà arrivé, toi ou pas, à l'école, de te faire embêter étant jeune? Écoute, oui, j'étais la tête de turc à cause de mon front, et donc forcément, on me jetait des trucs sur mon front à la tête, c'était horrible. Mais après, je suis venu avec un groupe de mamies, et là non plus, on m'a plus ennuyé. Et on t'appelait comment à l'école à cause de ton front? Frontman. Ah, frontman, c'est sympa. Kaufman, toi, t'as râlé, hein? Ah oui, j'ai râlé parce que, encore une fois, on peut être jeune, on peut faire des conneries. Ouais. Mais on peut être con aussi, et c'est un homme, hein, qui est connu sous le nom de Hate Booth. Eh ben, cet homme-là, il est un peu fou de sensations fortes, et son compte Instagram et YouTube regorge de ses expériences à haut risque. On le voit par exemple sauter dans une piscine du haut d'un immeuble. Je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé. Non, jamais. Sauter dans une piscine, jamais non plus. Donc. Toujours est-il que le 19 août 2016, celui-ci a réalisé un exploit dont il se souviendra toute sa vie. Je sais même pas si on peut appeler ça un exploit, mais bon, il a frôlé la mort de très près, comme on voit dans la vidéo. Vous connectez sur Hate Booth sur son compte YouTube et vous verrez. L'homme a décidé de sauter depuis la célèbre falaise El Morro d'une vingtaine de mètres de hauteur en Californie. Ah oui. Armé d'une caméra frontale que je connais très bien, il a respiré un bon coup avant de s'élancer, mais lors de sa chute, il s'est rendu compte que des roches bloquaient son accès à l'eau. In extremis, il a réussi à passer entre les rochers et atterrir directement dans l'eau. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo sur son compte YouTube, c'est Hate Booth, 8 B-O-T-H. Ouais. Et honnêtement, tu le vois frôler la mort, quoi. Mais il est fou, le type. Ah oui, il est inconscient. Il est un peu taré, oui. Il a fait ça pour le buzz ou il y a quelque chose derrière? Non, pour le buzz, c'est sa spécialité. Ok, très bien. Bon, en parlant de buzz, on va parler d'internet dans quelques minutes. Oui, on parlera du covoiturage qui a le vent en poupe en Belgique. Et juste après, Rihanna et Drake sur Fun Radio. Happier than us these days. Yeah. These days I don't know how to talk to you. I don't know how to be there when you need me. It feels like the only time you see me is when you turn your head to the side and look at me differently. Yeah. And last night I think I lost my patience. Last night I got high as the expectations. Last night I came to a realization, and I hope you can take it. I hope you can take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. I don't know how to talk to you. Can't keep track. How long did we last? I feel bad for asking. It can't end like this. We gotta take time with this. Cock up your bomba, sit down, bonita. Let me see if this is something I can fix. Yeah. You got somebody other than me. Don't play the victim when you're with me. Free time is costing me more than it seems. Sacrificing things. Wanna tell you my intentions. I wanna do the things that I mentioned. I wanna benefit from this friendship. I wanna get the late night message from you. From you. I put my hands around you. Gotta get a handle on you. Gotta get a handle on the fact that I'm too good to you. I'm way too good. to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Entendez deux titres de David Guetta à la suite, c'est le Double Fun sur Fun Radio. Salut, c'est David Guetta sur Fun Radio. Double Fun. Soyez le premier à envoyer concert par SMS au 6322. Un euro le message et gagnez vos places pour vous éclater avec David Guetta le 21 octobre au Etias Arena d'Asselt. Et peut-être gagner votre rencontre avec le DJ Fun Radio. Fun Radio, c'est ma radio. C'est ma radio. Ça se passe avec Imani sur Fun Radio. Et maintenant, on fait un tour sur le web avec Kaufman, Destination Web. Oui, je me balade sur le web toute la semaine et apparemment, les Belges aiment se balader, mais pas tout seul. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire du covoiturage ? Du covoiturage ? Non, jamais. Eh ben, les Belges aiment de plus en plus ça. C'est un sondage réalisé sur Blablacar, qui est un site français, et qui nous affirme que le covoiturage a de plus en plus le vent en poupe en Belgique, puisque 100 000 voyageurs ont utilisé le service de la start-up française pour se déplacer dans notre pays et à l'extérieur du pays, ce qui prouve encore que le covoiturage l'entourage a vraiment de beaux jours devant lui. Et en plus, c'est écologique, donc c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai déjà fait. Alors, il y a deux cas de figure. Un mec qui parlait beaucoup trop. Il m'a saoulé, je suis descendu. Hein. Je lui ai dit, écoute. À mi-chemin, s'il te plaît, arrête-moi là, j'en peux plus. Non, j'ai prétexté d'aller faire un petit popo. Et en fait, je ne suis jamais revenu de ce popo. Et l'autre, c'était avec une grand-mère qui m'a gavé tout le chemin. Et je suis arrivé, j'étais très bien. C'est magnifique, ça coûte pas cher en même temps, le covoiturage. C'est ça aussi, c'est une solution économique pour se déplacer, puisque tu réduis le coût total par le nombre de passagers qu'il y a à l'intérieur. Et c'est plutôt une chouette solution, blablacar.be, si vous avez envie d'aller jeter un petit œil. Ok, parfait. Dans quelques minutes, on va faire des paris sportifs. Kaufman va encore sortir le porte-monnaie, sort les billets. Kaufman, je veux voir des billets. Ah, parfait. Merci Kaufman, les 500 euros, c'est pour moi. Ça se passe juste après Imani sur Fun Radio. Mardi, soirée spéciale, garde à vous sur RTL TVI. Mon prénom, c'est Patron. Philippe Malherbe retourne dans la caserne où il a fait son service militaire et embarque avec lui quelques personnalités. Vous enlevez les chapeaux, les bonnets et les casquettes. Je vais plus les voir. Juste après, vivez les aventures de jeunes garçons confrontés aux conditions du service militaire des années 60. À leur côté, des instructeurs plus sévères les uns que les autres. Vous n'avez pas le droit de baisser les bras, on est d'accord ? Soirée spéciale, garde à vous, mardi à 19h45 sur RTL TVI. Fun Radio. Como tú te llamas, yo no sé. De dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Como tú te llamas, yo no sé. Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí. No importa idioma ni el país, ya vámonos de aquí. Que tengo algo bueno para ti, una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, mami vamos a darle. Rumbeando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Yo pendiente a ti como bailas así con ese movimiento mi. Me voy acercando hacia ti y te digo suave al oído. Escúchame mami, yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Y tú me dices, estás muy loco, deja eso mami. Yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. N-I-C-K Nicky, Nicky, Nicky Jam Saga White Black La Industria Inc. Fun Radio. Fun, fun, fun, fun. Le son dance floor. Take a breath. Rest your head. Close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father.

son dance floor continue avec Liam Summer sur Fun Radio. Et c'est l'heure de parier sur des rencontres sportives tous les week-ends, le samedi et le dimanche. On vous propose, entre guillemets, de gagner de l'argent. En tout cas, Kaufmann parie pour vous, donne ses indications, ses petits tuyaux, hein, Kaufmann. Écoute, moi, c'est plutôt perdre de l'argent et j'essaye de prendre les coups pour vous en vous disant ce qu'il ne faut pas faire, justement. Exactement. Et là, on va parier sur du football, le football anglais. Il y a un match Swansea-Chelsea. Tu connais un petit peu Angleterre. Oui, j'ai pas besoin de connaître les cotes. Hein. Je vais te le donner quand même. 5,25 pour Swansea, match nul 3,9, victoire de Chelsea 1,6. Chelsea. Bah, t'as vu l'équipe de rêve qu'ils ont ou quoi? Ouais, mais tu gagnes pas beaucoup aussi, 1,6. Ouais, mais je vais pas perdre de l'argent juste pour te faire plaisir non plus. Ça veut dire que pour 1 euro, tu gagnes 1,60 euro. Bah, c'est pas mal, écoute, ouais. C'est toujours mieux que de perdre 1 euro, tu vois. C'est vrai. Deuxième match, Sunderland-Everton. Everton! Ah, attends, mais carrément, t'attends même pas les cotes maintenant, c'est bon. Bah, non, écoute, Everton, ils ont plus des joueurs belges, non, encore Everton. Everton? Ah, c'est possible, je sais plus s'ils en ont encore. Hein. Non, ils en ont vendu pas mal. Et on leur a piqué leur ancien entraîneur qui est maintenant devenu le sélectionneur national. C'est vrai, effectivement, qui pour une fois il a gagné lui, cette semaine. Merci. Merci non, pour lui. Non, mais c'est vrai, parce qu'il avait perdu le premier match, on était un peu déçus. Alors, ouais, enfin, il a gagné. C'est vrai que le premier match est important hein, quand tu regardes ce que la France a fait. Le premier match est important. C'est vrai, effectivement. Alors, Sunderland, la cote de Sunderland, 3,5. Match nul, 3,4. Victoire d'Everton, 2,05. Everton. Donc, t'es sûr de toi, tu valides. Je mets un autre billet. Ok, combien? Oh, c'est beaucoup là, right? 50 euros. Ça fait trop. Donc, pour toi, les deux victoires, c'est Chelsea et Everton. Deux victoires à l'extérieur. Hein, c'est risqué. À l'extérieur. Oh, il est fou ce type. Allez, dans quelques minutes, on va parler de la télévision. On va parler de RTL TVI. Il y a un sale coup à RTL TVI. Ah bon? Te dire. Ah ouais, ça va mal là-bas. Ils ont déjà supprimé une émission. Et laquelle? Je te dis ça juste après Liam Summer sur Fun Radio. I'm tripping, got me so high, I'm falling. Madcon débarque sur Fun Radio. Et on évoque la télévision maintenant, Kaufman, RTL TVI, lançait une nouvelle émission avec Sandrine Cormand. Ah oui. Tu la connais? Oui. C'est quoi l'émission? Wishing the Tree. The Wishing Tree, effectivement. Une émission dans laquelle les vœux des enfants étaient exaucés. Et la semaine dernière, le programme a réuni 236 000 téléspectateurs. Ça peut paraître un score assez correct, mais ils sont arrivés troisième des audiences derrière TF1 et La Une. Du coup, la direction de RTL TVI a décidé de remplacer l'émission par un film carrément. Il y a eu une émission et hop, déprogrammée. RTL TVI assure quand même que le divertissement pourrait revenir dans quelques semaines, même si quand même j'y crois moyen. Hein. Ouais, en fait c'est une émission qui partait d'un très bon sentiment, ouais, bien. À savoir partir faire plaisir à des enfants. Sauf que moi j'ai regardé, j'avais l'impression que l'émission n'était pas finie, elle n'était pas aboutie. Ah bon? Et qu'ils n'avaient pas édité jusqu'au bout du concept dans ce qu'ils pouvaient faire. T'as regardé toute l'émission? Non, j'ai fait partie des gens qui ont vite zappé. Parce que je trouvais ça un petit peu aussi très niais, très nunuche, tu vois, avec l'arbre à souhait. Il aurait mieux valu être un petit peu plus moderne. Ok, bah très bien. Surtout, c'est fini. Hein. Ils l'ont dit, hein, c'est fini. Sandrine Cormand. Ouais, je sais, j'ai téléphoné au directeur pendant l'émission. Je lui dis, écoute, tu balances Sandrine parce que franchement, elle peut faire mieux. Elle peut mieux faire. Allez hop, allez balancer, c'est fini. Mais il y a d'autres nouveautés à regarder sur la TV qui ont très bien marché. Tu regardes quoi, toi, en ce moment à la télé hein? Moi, je suis fort JT. J'adore le JT de RTL. Ah, le JT, carrément. Koh-Lanta, t'as regardé ou pas vendredi? Ah oui, j'ai regardé. Ah, tu regardes pas le totem, toi, quand même. Dès qu'il s'agit d'aller sur l'île au trésor, bah forcément, ça me fait rêver, quoi. Dans quelques minutes, on évoquera les jeux vidéo, Kaufman. Oui, on parlera de World of Warcraft, de Légion qui n'a pas encore révélé tous ses secrets. Et là, c'est Madcon sur Fun Radio. Et je suis censé rester. get. Been at it for a while, but you won't commit. This inconsistent love is messing with my head. Love is messing with my head. Love is messing with my head. And it just ain't fair. You know I can't fight it. I can't fight it. Wanna put my hands all over your body. De Fun Radio, c'est Ken Jones qui arrive. Et vous pouvez nous joindre sur Facebook, Kaufman. C'est que du fun, c'est le nom de la page sur Facebook. Vous êtes déjà plus de 20 000 à nous avoir rejoints. Merci à vous. Si vous avez envie de nous laisser un message, c'est le moyen idéal. Hein. Ça coûte pas un rond, ça coûte pas un cent. Eh bien, vous venez chez nous, vous nous envoyez un petit message privé. Si vous aviez, par exemple, un anniversaire à souhaiter que vous avez oublié, eh bien, on est là, samedi matin, dimanche matin, pour rectifier le tir. Ou plus directement, par SMS également, au 3044, vous nous envoyez vos dédicaces, vos messages. Comment ça va bien ce dimanche matin? Qu'est-ce que vous allez déjeuner pour nous donner faim? 44 pour 50 cents le message, vous nous envoyez vos messages. Donc le Facebook ou les SMS on peut les lire directement, on a l'écran devant nous, donc ça nous permet vraiment de lire directement. Facebook, si vous voulez nous envoyer un message, on vous répond dans la journée, on est assez réactif. Comme Man, il est à fond sur le clavier, ça tapote. Je salue d'ailleurs Eliane qui vient de nous dire que pour elle c'était croissant et pain au chocolat. Merci de partager, Eliane. Ah, croissant et pain au chocolat, c'est pas mal hein, pour une matinée. Bah écoute, c'est plutôt un bon programme. Toi t'es café au chocolat? Moi je suis café, croissant, pain au chocolat, et beurre, éventuellement céréales s'il n'y a pas d'autre solution. Tartine, passez-moi le roast beef, je mange tout. Ah, moi si tu peux me faire des œufs au bacon, là je serais heureux. Dans quelques minutes, le fun game. Oui, on parle de World of Warcraft et on va vous révéler des secrets au sujet de ce jeu. Et Ken Jones qui arrive. Hola. Hola, na. She telling me this. And telling me that you say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson

commence sur Fun Radio. Listen, dance floor. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. As good as the day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay, I know it breaks your heart. À l'écoute de Fun Radio maintenant, c'est le Fun Game. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. On est dans la place tout le week-end pour vous parler jeux vidéo. Et il y a un jeu qui vient de sortir, World of Warcraft Légion. Les plus jeunes comme les plus âgés connaissent parce que ça fait déjà des dizaines d'années que le jeu est présent sur les PC. C'est un MMORPG, autrement dit un expérience. Un MMORPG. Je t'explique, c'est une expérience massivement multijoueur, un jeu de rôle massivement multijoueur qui se joue en ligne, donc dans lequel on découvre pas mal d'univers, dans lequel on doit faire des quêtes, dans lequel on peut faire partie de guildes, donc se rassembler entre joueurs pour aller explorer les terres, les différentes terres, les différents univers que nous propose World of Warcraft. Et il y a une dernière extension qui vient de sortir qui s'appelle Légion. Et dans cette extension, eh bien, les développeurs ont voulu jouer un petit peu les coquinous puisqu'ils ont caché de nombreux secrets à l'intérieur de ce jeu. Et ils y ont mis des indices. Donc forcément, c'est compliqué pour le joueur de savoir parfois quels sont ces secrets parce que les continents, les terres à explorer sont vastes et on y passe à côté. Toujours est-il que dans un continent ou dans les terres des îles brisées, c'est comme ça qu'elles s'appellent, la nouvelle zone de World of Warcraft en l'occurrence, eh bien, on a découvert un boss de fin de niveau qui était caché. Eh ben oui, et là, il a été découvert, évidemment, puisque je vous en parle. Et le joueur qui a fait ça, en fait, s'est faufilé dans une caverne très très au loin, très très profondément, pour y découvrir les indices, de savoir où était caché ce boss. Okay. Une fois les indices récupérés, il a pris sa petite carte, parce que ça fonctionne avec une carte, tellement les territoires sont vastes. Il s'est dirigé vers le boss, il l'a découvert, et il a eu la récompense suprême. C'est quoi ? C'était un animal de compagnie pour l'eau. C'était un animal de compagnie qui permet de te déplacer sur l'eau. Ok, très bien. En fait, c'est une continuité dans le jeu. En fait, c'est des objets pour le jeu. Exactement. C'est t'es récompensé de ta quête et d'avoir vaincu le méchant boss. Et ça, c'est sur le PC ? Oui. World of Warcraft Légion. Et d'ailleurs, on vous offre des goodies, des posters, des t-shirts WoW Légion pour fêter cette sortie. Donc, n'hésitez pas à jouer avec nous tout à l'heure. Ouais, restez bien à l'écoute jusqu'à 10h. Là, c'est le journal des bonnes nouvelles maintenant sur Fun Radio. Le journal des bonnes nouvelles. Bonjour à tous. Une enseignante d'un collège en Caroline du Nord a trouvé le remède pour combattre l'inattention de ses élèves. Certains élèves étaient parfois dissipés et distraits. Ils sont cette fois plus attentifs puisqu'ils les étudient en pédalant. L'enseignante a en effet installé des petites machines à pédaler. Ces mini-vélos installés sous les bancs ont un effet incroyable. Le but est de permettre aux élèves de canaliser leur énergie sur une activité sportive pendant leur travail. Et visiblement, ça marche. La concentration s'améliore et les résultats scolaires sont même déjà en hausse. Cette initiative a toutefois un prix. Chacun de ce qu'on pourrait appeler ce vélo de bureau coûte environ 130 euros, cofinancé par un don de particuliers et un fonds d'investissement dans le cas de ce collège public. L'université de Waterloo, l'une des mieux cotées au Canada, accueille pour cette rentrée un jeune indonésien âgé de seulement 12 ans, dont les résultats aux examens d'admission le place déjà parmi les meilleurs élèves de sa promotion. Né en Indonésie, ce nouvel étudiant, le plus jeune de l'histoire de cette université, a la particularité d'avoir appris l'anglais en regardant des films à la télévision. Les résultats aux examens d'admission ont été parmi les meilleurs de l'université cette année. Le jeune indonésien a expliqué vouloir appliquer les connaissances qu'il va acquérir au domaine des énergies renouvelables. Un japonais de 73 ans est devenu cette semaine la personne la plus âgée au monde à traverser à la nage le détroit de Tsugaru, dans le nord du Japon, où il a affronté pendant une dizaine d'heures des courants dangereux. Ce parcours, convoité par les chasseurs de records, est considéré comme l'un des plus difficiles au monde en raison des forts courants imprévisibles. Les organisateurs s'attendaient à ce qu'il nage en une douzaine d'heures, mais les courants ont été moins forts que prévu sur la majeure partie du trajet, et il a donc bouclé sa traversée en 9h58 exactement. Avant lui, la personne la plus âgée à réussir cet exploit était une Américaine qui avait effectué la traversée en 2012. Elle était alors âgée de 61 ans. Le mois dernier, une demoiselle âgée de 18 ans était devenue la personne la plus jeune et la femme la plus rapide à traverser ce détroit en 8h31. Flairant un large marché encore inexploité, le label Universal Music va publier fin octobre un album destiné aux chats. C'est la première fois qu'un poids lourd de l'industrie musicale produit un album non destiné à des auditeurs humains. La musique proposée est un subtil mélange entre des ronronnements du violoncelle et différents instruments d'un orchestre symphonique pour apporter plaisir et détente aux chats à l'écoute de l'album. Après une étude portant sur les effets des mélodies composées pour des tamarins à crête blanche, un chercheur a voulu élargir ses expériences à une espèce animale plus courante. Il a d'abord autoproduit sa musique pour chats au moyen d'une campagne de financement participatif en récoltant près de 215 000 euros de la part de plus de 10 000 contributeurs. Son projet a alors attiré l'attention d'Universal qui lui a fait signer un contrat. D'autres albums du genre pourraient suivre pour les chiens et les chevaux. Pour les plus curieux, on vous invite à écouter un extrait sur musicforcats.com. On termine ce journal des bonnes nouvelles avec un petit mot sur la météo. Le soleil devrait être encore de la partie pour une bonne partie du week-end. Quelques averses sont à craindre pour ce dimanche en matinée. Les températures resteront quant à elles très agréables et le bon temps devrait encore nous accompagner pour bien entamer la semaine. Belle journée avec nous sur Fun Radio et tout de suite, c'est que du fun jusqu'à 10h. Le journal des bonnes nouvelles. Stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a spin? Wanna take a roll? You know you're dealing with the wild card. If you go all in, I'll make your troubles fall. Might take your diamonds, but I'll steal your heart. La suite du son dance floor, ça se passe avec des euros. C'est l'heure du Saral, Salove et Kaufman à Lové. Ah oui, j'ai fameusement Lové parce que c'est une étude que j'ai lue et appréciée. Pourquoi ? Parce qu'elle nous indique comment faire le moins de fils possible dans un supermarché. Ça nous est tous arrivé. Oui. On arrive avec le caddie plus ou moins plein, on regarde les fils, on se dit tiens, on va prendre celle-là. Et puis on s'aperçoit à chaque coup qu'on a fait le mauvais choix. C'est ça. Résultat, rien de plus énervant. Et pour éviter une perte de temps et d'énergie, voici quelques éléments à prendre en compte pour choisir la queue la plus rapide. Mieux vaut opter pour une file avec quelques caddies bien remplis plutôt qu'une file composée de nombreux clients et ayant acheté peu d'articles. Okay, ça, c'est d'accord. Déjà la première indication. Autre astuce, choisissez de préférence la file de gauche. D'après les observateurs, les clients ont tendance à attendre dans la file de droite. Celle de gauche sera donc toujours un petit peu moins encombrée. Donc, notez bien. Je savais pas ça. C'est un bon conseil que j'ai levé. Et troisième bon plan, c'est un peu sexiste, c'est un peu machiste, mais bon, choisir les caissières plutôt que les caissiers, cela, bon, a priori, ne devrait pas vous étonner, mais il semblerait que les hommes qui gèrent les caisses soient beaucoup plus lents que les femmes. Donc c'est un bon point pour ces demoiselles qui traitent les clients un peu plus rapidement. Et moi j'ai levé parce que cette étude va dorénavant me permettre de perdre moins de temps dans le supermarché. C'est parfait cette étude, j'aime bien. Donc file de gauche avec une demoiselle à la caisse. Et là on est bon normalement. Oui, choisir les caddies qui sont bien remplis plutôt qu'une file composée de beaucoup trop de personnes avec des petits articles. Enfin avec des articles en moins grande quantité on va dire. Ok d'accord, moi j'ai décidé de râler Kaufman. Oui. Sur l'iPhone 7, tu connais l'iPhone 7? Tout le monde en a parlé cette semaine. Oui. Bien sûr. Moi j'ai râlé pour son prix. Il a encore augmenté par rapport aux anciens. Le coût 769 € minimum. Ouais, parce que c'est le petit modèle, ça peut grimper beaucoup plus haut. C'est le petit modèle, c'est le minimum. Ils vont jusqu'à plus de 1000 euros. 1130, 1160, je sais plus. C'est énorme, donc j'ai décidé de faire un comparatif du prix de l'iPhone. D'accord. Avec l'iPhone 7, donc tu peux t'acheter 180 Big Mac. Ça c'est pour toi, Kaufman et ton petit ventre, hein, je le connais. Tu peux également t'acheter 19 entrées à Disneyland ou à Walibi. D'accord. Donc c'est quand même assez fou. Et aussi 3380 pots de Danette ou de ce que tu veux en yaourt. C'est quand même énorme. Ah oui. 769 €. T'es prêt à mettre autant d'argent toi dans un téléphone ou pas, Kaufman? Bah j'attends que tu me l'offres donc. Tes parents disent tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre les promotions, mon petit bonhomme. L'iPhone 10 sera déjà sorti que je t'offrirai l'iPhone 7. Allez, pour la suite, c'est combien ça coûte, le jeu du combien ça coûte. On a plein de cadeaux à vous faire gagner, Kaufman. Oui, on a des goodies et aujourd'hui on va vous offrir un jeu vidéo. Si vous avez la PlayStation 4, on va vous offrir Attack of the Titan. Ça va se passer avant 10h. On est là pour vous régaler chaque samedi, chaque dimanche, 7h-10h. C'est que du fun, on est ensemble, hein, c'est la Fun Family. Oui. Il y aura également des infos jeux vidéo, des informations internet. Bref, on va se régaler les amis. Et voici donc Deoro et Bailar sur Fun Radio. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar. ¡Qué la cosa! ¡Vámonos! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una bellita Radio, le son Dance Floor. Dance Floor. Dance Floor. Dance Floor. It's so hypnotic. Merci de vous réveiller avec Fun Radio, le son de Martin Solveig. C'est le moment de jouer au combien ça coûte. Le principe est simple, j'ai un prix en tête et au 63,22 en euros par message, vous devinez à quoi elle correspond pour gagner des jeux vidéo. On a quoi d'autre à faire gagner? On a des goodies collector, on a pas mal de cadeaux à vous filer. Attention, un gros cadeau aujourd'hui. On rigole pas. Vous avez une idée? Vous nous l'envoyez au 63,22 pour 1 euro le message. Vous nous dites quelle est votre proposition et moi je vais essayer de poser des questions histoire de faire avancer la chose. Effectivement, le prix du 42 euros. Kaufman, tu peux poser des questions et vous, ça se passe au 63,22 pour donner la bonne réponse. Est-ce que c'est un objet personnel ou professionnel ? Personnel. Est-ce que ça se trouve dans une pièce précise de la maison ? Oui. Est-ce que c'est électronique ? Électronique, non. Est-ce que ça se trouve dans la chambre ? Dans la chambre, non. Dans la cuisine ? Oui. Est-ce que c'est un objet ménager ? Ménager, explique un peu ce que tu entends par ménager. Est-ce qu'on l'utilise pour faire le ménage ? Non. Est-ce que c'est un objet culinaire ? Oui. On s'en sert donc pour cuisiner? Oui, en quelque sorte. Est-ce qu'on s'en sort, on s'en sert pour épicer? Pourquoi? Épicer, pour épicer, vrai, salé. Okay. Pour épicer, non. Non. On s'en sert pour cuisiner? Est-ce qu'on s'en sert pour cuire? Est-ce qu'on s'en sert pour... Cuire dans un... Oui, cuire, je peux dire oui. Oui, je dis oui, allez. Est-ce que ça utilise de la vapeur? Non. Est-ce que ça utilise l'électricité? On est d'accord? Oui. D'accord. Est-ce qu'on fait des croque-monsieur avec? Est-ce qu'on fait des croque-monsieur avec? J'ai envie de dire non. D'accord. Je dis non, ok? Tu sais qu'il existe beaucoup d'ustensiles et d'accessoires cuisine, hein? Oui, je sais très bien. D'accord. Allez-y, si vous avez la bonne réponse au 6322, on a plein de cadeaux à vous faire gagner. On me dit déjà une casserole au 6322. Non, ce n'est pas la bonne réponse, Kaufman. Oui, je réfléchis, hein, parce que des accessoires culinaires, électriques, est-ce que ça sert à battre quelque chose? Non. Donc c'est pas un fouet. Ce n'est pas un fouet. Un batteur. Oui, non, c'est pas un batteur non plus. D'accord. Est-ce que ça sert à faire des gâteaux? Faire des gâteaux, non. Non, non. Donc, non. Est-ce que ça sert à cuisiner salé? Ça sert à cuisiner salé. Oui et non. Mais tu connais ton produit ou tu connais oui, pas ton produit? Mais il peut faire les deux. Les deux. D'accord. Est-ce que c'est destiné aux grands ou aux petits? Bon, les grands, j'ai envie de dire, parce que c'est un objet voilà, de cuisine. Donc les petits cuisinent pas vraiment, mais. D'accord. Je cale là. Mais tout le monde peut s'en servir. Hein. C'est-à-dire qu'une personne de 10 ans s'en sert. D'accord. Pour cuisiner? Oui, pour cuisiner en quelque sorte, entre guillemets, pour cuisiner. Hein. D'accord. Si vous avez la bonne réponse, ça se passe au 6322. Kaufman est en train de galérer, j'aime bien ça. Est-ce qu'on s'en sert lorsqu'on est en train de manger? On s'en sert pendant qu'on mange? Oui. Non. Donc c'est avant? Ah, c'est avant, oui. Là, c'est très important. On ne peut pas s'en servir pendant qu'on mange. D'accord. C'est avant. Ok. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322, les amis. On a plein de cadeaux à vous faire gagner. On me dit un truc qu'on met dans le four. Non, c'est pas un truc qu'on met dans le four. Est-ce que ça a à voir avec du pain? Ça a à voir avec du pain, effectivement. D'accord. Donc c'est la bonne réponse, 6322, je rappelle. Tu penses avoir trouvé ou pas, Kaufman? Pas encore? Pas encore, non. Est-ce que on s'en sert si on mange des toasts? Oui, effectivement. D'accord. Est-ce qu'on s'en sert aussi pour griller d'autres aliments? Oui, on peut mettre ce qu'on veut. C'est généralement du pain. C'est généralement des toasts, effectivement. Ah, ça me donne faim tout ça. C'est okay. Un objet qu'on peut utiliser le matin, tu vois. Est-ce qu'il y a une grille de protection sur cet objet? Une grille de protection? Oui. Qu'est-ce que tu appelles une grille de pour protection? Pour pas se brûler. Oui, ça peut. D'accord. Est-ce que dans le mot qu'on cherche, il y a le mot gris justement? Oui, il y a le mot gris. D'accord, effectivement. Je pense avoir trouvé alors. Tu penses avoir trouvé, on me dit, un toaster au 6322. Non, je suis désolé. Non, c'est parce que toi, t'es un défenseur de la langue française que toaster. Effectivement, bon. Toaster, je ne peux pas l'accepter. Il faut m'envoyer la réponse en français. Moi, j'étais sur le site chercher l'objet. Il n'est pas marqué toaster sur le site. Donc voilà, faut m'envoyer la bonne réponse. C'est un site de con, c'est tout. Faut m'envoyer la bonne réponse en français. Il y en a plein qui ont la bonne réponse, c'est très bien. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322. On a plein de cadeaux à vous faire gagner. Effectivement, Kaufman l'a dit, le mot commence par grille. On peut mettre du pain de l'intérieur. Vous voyez la réponse? On vous l'envoie au 6322. Je prends un gagnant juste après Martin Solveig sur Fun Radio. Ça vous laisse 4 minutes pour envoyer la bonne réponse au 6322. Plein de cadeaux à vous faire gagner aujourd'hui. Une place près d'un mur, attention à ma voiture, check à gauche, check à droite, ferme la porte et puis s'en va. Avec les caméras 360 degrés, se garer est un jeu d'enfant. Profitez de nos Techno Deals du 8 au 17 septembre. Il y a déjà un Nissan Qashqai à partir de 19 990 euros. Nissan. Innovation that excites. Offre soumise à condition. Maman, elle est toujours coincée dans les bouchons. Alors, je lui prête mon vélo. Ben quoi, elle ira plus vite. Partagez, c'est inné. À l'avenir, nos journalistes partagent avec vous plus que de l'info. Ils donnent du sens à l'actualité. L'avenir est au contenu. Abonnez-vous maintenant et recevez un chèque Octa Plus de 50 euros sur l'avenir.net/rentrée. Ici la voix. Soyez les bienvenus dans Secret Story. Secret Story, la quotidienne, c'est du lundi au vendredi avec Julie Taton et Christophe Beaugrand à 18h50 sur Plug RTL. C'est tout pour le moment. Plug RTL. But I like this fun. Fun Radio, we got them on. It sounds hot. Fun Radio. No sé dónde vete. Se me voy por ti veo. De vete me veo. Se me dan yo creo. Se me van. Bun, bun. Even this is buns, bun. Dun, dun. Bet you wanna taste it. Bun, bun. Bet you wanna taste it. Done, bun, bun. Nothing else is buns, bun. Done. Bet you wanna taste it. Bun, bun. Bet you wanna taste it. I did you to done. Done. passen, jetzt als Hüter der Strich und Wust. Ist genau kein Tag von der Blut. Vom drugu që më më kërë prish e prish. Kjo mund si jo më ane. Se kur ftof një her, jo më nuk këntej. C'est le week-end. Mais ce n'est pas une raison pour vous laisser aller. 7h-10h, c'est que du fun sur Fun Radio. Matin à l'écoute de Fun Radio. Fun. New Music, découverte Fun Radio. Avec le nouveau Maître Gims. Tu m'entends, tu m'entends, tu m'entends. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Mais passe en loup parce que j'ai beaucoup pris sur moi. Regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Allez, je t'ai tout donné, tout donné, tout donné, tout donné. Tu es tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. J'ai tout gardé en moi. Je me suis donné tant de mal. Je pourrais tout flamber pour toi. Pourtant, je ne suis pas pyromane. Et tous les deux on foncera dans le mur. On va transformer la Ferrari en Lambo. Je suis flatté. Tu as demandé dans tes prières un garçon comme moi. Je suis choqué. Je m'imaginais sans cesse avoir un cœur indomptable. Et je me souviens de comment t'étais sapé ce soir-là. Et je sais que ton cœur est apaisé quand je suis là. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Mais passons-nous parce que j'ai beaucoup besoin. Ton regard brille pour moi, ce que t'as dans la poitrine c'est à moi. Ton regard brille pour moi, ce que t'as dans la poitrine c'est à moi. Allez, je t'ai tout donné, tout donné, tout donné, tout donné. Tu es tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Laisse-moi devenir ton allié. Pour nos ennemis, un alien. Repose-toi sur toi, je veille. Je serai là quoi qu'il advienne. Tu es ma maladie, ma guérison quand tu le décides. Mes nuits s'illuminent, j'en confonds le jour et la nuit. Tu es ma maladie. Guérison quand tu le décides. Mes nuits s'illuminent. J'en confonds le jour et la nuit. Hey, yeah. Ne me demande pas la lune. J'ai beaucoup mieux pour toi. Mais passons-nous parce que j'ai beaucoup pris. Ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine c'est à moi. Ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine c'est à moi. Allez, je t'ai tout donné. Le café est prêt, le Sundance Floor continue avec Lion. Et là, c'est le moment de découvrir la bonne réponse, ô combien ça coûte. Et pour ça, j'accueille Edouard qui est avec nous. Salut Edouard. Bonjour, bonjour. Salut Eddy. Eddy Aude, tu es petit mot. Ah, Edouard, c'est Eddy. Ouais, on t'appelle... c'est déjà mon surnom de base. Voilà, voilà, parfait. Lui et moi, on est grand. Voilà. Le prix du jour, Edouard, 42 euros. Ça correspond à quoi pour toi? Alors, je pense que c'est un grille-pain. Tu penses que c'est un grille-pain? Nous vérifions ensemble. Je pense. Bravo, bravo Edouard, c'est la bonne réponse effectivement. Tu repars avec des cadeaux, Kaufman. Oui, tu aimes bien les jeux vidéo, Eddy? Ah oui, quand même, oui, je suis pas mal fan de ça. Et bon, on va te faire un pack de goodies, c'est-à-dire des objets collector en rapport avec tel ou tel jeu vidéo. Ça arrive très très très vite chez toi. On te remercie en tout cas de nous écouter. Ah bien, merci beaucoup. C'est que du fun, samedi, dimanche, 7h-10h. Donc n'hésite pas, hein, rejoue avec nous quand tu veux. Eh ben ça va, y'a pas de soucis. Tu es le bienvenu, à bientôt Eddy, salut. À bientôt, passe une bonne journée, passe un bon merci dimanche beaucoup. Bisous bisous Edouard. Merci également, au revoir. Ne raccroche surtout pas, on prend tes coordonnées en antenne. Non, non, pas de soucis. Allez, à tout de suite Edouard. Je te prends en antenne pour la suite de l'émission. Ça se passe avec le topito et le topito du jour. Kaufman, tu le veux savoir? Oui, bien sûr. Allez, le top 5 des trucs que ton physique veut dire sur toi. Hein, on va se fâcher alors. Pourquoi? J'ai rien sur les fronts hein, aujourd'hui, donc d'accord, t'inquiète pas, on est bien. Hein. Très bien, j'attends ça avec impatience. C'est mon moment préféré de la journée. 7h-10h, c'est que du fun. Le samedi, le dimanche, on va parler du topito, on va parler de sport, on va parler de jeux vidéo. Également le web, Kaufman. Hein. Oui, on parlera du web puisque YouTube est à Molenbeek encore aujourd'hui. On vous expliquera en quoi consiste cet événement. On explique tout ça juste après Lion sur Fun Radio. Standing on a lonely road, take a breath, waiting for a sign. Something that would give me hope, cause the curves make me feel so fine. Oh, I won't stop, my dreams are about you and I don't wanna wake up now. Now I can't stop thinking of your body above me for the rest of the night. luck with mine. Something that attracts my sound of fear. Can you feel the sound? Oh, I won't stop. My dreams are about you and I don't want to wake up now. Now I can't stop thinking of your body above me for the rest of the night. Je vous propose Mo pour la suite du son de Dance Floor. Final song. Et la place au topito, le top 5 des trucs que ton physique veut dire sur vous. D'accord. C'est Kaufman. Oui, bien sûr. Cinquième position, si quelqu'un incline la tête, ça correspond à quoi pour toi ? Incline la tête dans quelle occasion ? À quelle occasion ? Bah, quand il fait, voilà, il incline la tête pendant que tu parles, tu vois. Hop, hop, hop, ça veut dire quoi ? Bah, c'est quelqu'un qui est très arrangeant. C'est quelqu'un qui est très intéressé par ce que tu dis. Donc ouais. Voilà. Ouais, enfin, ça, c'est la façade en fait. Bah, non, c'est pas la façade, ça veut vraiment dire ça. Hein. Si quelqu'un incline vraiment la tête comme ça, tu vois, je suis en train d'incliner la tête, et bien là, hop, ça veut dire que je suis intéressé par ce que tu dis. Ou que t'as mal au cou, ouais. Aussi. Quatrième position. Un homme rasé aura plus de chances, mais plus de chances d'avoir quoi ? Plus de chances d'avoir un boulot. D'avoir un boulot, oui, en quelque sorte. Un homme rasé aura plus de chances d'avoir du succès. D'accord. Donc faut bien se raser, Kaufman. Je vois que ce matin, on n'est pas passé par le côté rasoir. En même temps, quand on se lève à 5h30, c'est difficile parce qu'on a toujours peur de se couper avec le rasoir trop tôt le matin. C'est vrai. Troisième position, quand quelqu'un a envie de t'embrasser, oui. Que se passe-t-il sur la personne ? Bah, c'est un truc physique, hein. D'accord. C'est qu'elle a peut-être envie de mon corps, je sais pas. Oui, mais il y a quelque chose qui se passe sur son corps et sur sa tête. Dans sa tête. Sur sa tête. Sur sa tête. Ouais. Elle rougit. Non, elle rougit pas. Ses lèvres gonflent. Bien sûr. Oui, je te jure, c'est vrai. Je sais pas où t'as été le pucher ton topito du jour. Je te jure que c'est vrai. Deuxième position. Les personnes qui ont le cœur qui bat vite ont tendance à être susceptibles à faire des infarctus. En quelque sorte, à être plus stressées. Voilà, ouais. Les personnes qui ont le cœur qui bat vite sont plus stressées que les autres. Première position, la taille des mains et des doigts n'a aucun rapport, Kaufman, écoute bien, la taille des mains et des doigts n'a aucun rapport avec la taille du kiki. Non, ouais. Parce qu'il faut le dire quand même. Tout là, j'allais dit... compléter ta phrase, moi. Non, bah là, c'est pas la peine, là, je me doutais que t'allais la savoir, celle-là. Donc voilà, tout le monde dit la taille des mains correspond au truc. Non, rien à voir. Je le dis, Kaufman, rassure-toi, rien à voir. C'est un bon pote à toi, Kiki, que t'en parles. Oui, c'est un bon pote à moi. Il s'appelle Kiki. Allez, pour la suite, on va évoquer le sport, Kaufman. T'as regardé encore les rencontres sportives hier, t'es au taquet. Oui, bah, j'ai perdu sur la rencontre Manchester City face à Man U, mais j'ai gagné à Bordeaux. Donc, résultat, j'ai commandé les vacances. On va voir si aujourd'hui t'es aussi performant. On en parle juste après Mo sur Fun Radio. Please, won't you wait? Won't you stay? At least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith. I lose everything I have found. Heartstrings, violence. That's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. I lose my rhythm, lose my soul. So hear me, I'll be was nothing to make believe. And the songs that we sang, they were written for you and me. Melodies on repeat, that's what I hear when you're by my side. Ooh, yeah, that's what I hear when you're by my side. Song. Fuel to the fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. matinée sur Fun Radio, Zao et MHD. Ah ça, ça met de bonne humeur, Kaufman, hein. T'aimes bien danser sur ça, Zao et MHD, toi, hein. Écoute, laissez les Kouma se dire laissez les parler, donc je fais pareil. Allez, on va parler de sport, Kaufman. On pronostique chaque jour, hein, samedi et chaque dimanche, hein, entre 7h et 10h. Ce que tu dis pas, c'est qu'on le fait chaque jour par téléphone. Bien sûr, mais Kaufman, t'appelles. Quels sont tes paris? Merde, à ton émission, je vais pas parler tous les jours, il veut me mettre sur la paille, ceci. Et là, on va parler de tennis, Kaufman. D'accord. Novak Djokovic contre Stan Wawrinka, c'est la finale de l'US Open. Victoire de Djokovic, coté à 1,33, c'est-à-dire que si tu mises, on va dire 1 euro, bah tu gagnes 1,33€. Et victoire de Wawrinka, 2,85. Djoko. Djokovic ? Ouais. Tu aurais certain ? Ouais. Ah, oh, t'as dit ça d'un ton Djoko. Djoko. Ok, Djoko, je valide, on verra ça. On vérifie de toute façon à chaque fois. Hein. Ouais, bien sûr. Hier, 1 sur 2. Hein. Donc, ouais, mais celui qui m'a rapporté en 5 contre 1 aussi. C'est vrai, effectivement. Là, on va parler de Ligue des Champions. Ligue des Champions, Ligue des Champions reprend la semaine prochaine. Et je te propose un match Barcelone contre le Celtic Glasgow. Ça paraît un match déséquilibré comme ça. Ouais, le Barça vient de. Barça vient de perdre. Vient de perdre, ouais. Vient de perdre 2-1. Barça. Et Glasgow vient de gagner 5-1 chez eux. Hein. Je vais quand même dire Barça. Alors la cote de Barcelone, 1,08. Bon, pas grand chose quoi. Le match nul, 11. Et la victoire du Celtic Glasgow, 20. Je dis Barça. Ah, t'es sûr de toi, Barça? Bah, sûr ou non, on peut jamais être sûr. Ok. Deuxième match de Ligue des Champions, Paris Saint-Germain contre Arsenal. Là, c'est déjà beaucoup plus serré. Victoire du Paris Saint-Germain, 1,85. Match nul, 3,5. Victoire d'Arsenal, 4,1. Je vais dire PSG. PSG ? Ouais. Ok, côté quand même une belle cote, hein. 85, c'est quand même assez, oui, assez joli. Hein. Oui, oui, ça me payera mes déjeuners pendant toute l'année. Et un dernier match, Kaufman, Real Madrid contre le Sporting Lisbonne. Real. Ah, bah, direct, il attend même plus les cotes celui-là. Et non, mais bon. Ok, bon, victoire du Real, 1,18, match nul 6,25, victoire du Sporting Lisbonne, 14. 14 ? Ouais. Réal. Ah, il hésitait quand même. Quand on sait jamais. Allez, pour la suite, ça se passe avec le Fun Game, Kaufman. Oui, on parlera de la nouvelle console Nintendo NX. Elle est annoncée, on ne sait pas pour quand, tout ça doit intervenir bientôt. Bref, il y a de l'actu jeu vidéo à venir, les amis. Voici Zao, featuring MHD sur Fun Radio. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Si l'ami de tout le monde est l'ami de personne. Laissez-moi dans mon coin, ici l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée, c'est chaud. Pourquoi verbaliser, c'est chaud. L'ambiance est bonne. De ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'étonnent grave. C'est vrai que t'es gentil, mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble, mais c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mythe. Quand le bonheur s'approche, les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les acter. T'es pas l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je m'en saillis. Non, tu n'as pas idée, c'est chaud. Pourquoi verbaliser, c'est chaud. L'ambiance est validée, c'est chaud. Le terrain balisé, c'est chaud. Laisse-les parler. continue le son dance floor ensemble avec Dua Lipa. Et vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, Kaufman. Oui, vous allez sur Facebook, champ de recherche, c'est que du fun. Vous trouverez un groupe, hein. Vous êtes déjà plus de 20 000 à nous avoir rejoints. Oui, une page, ouais. N'hésitez pas à faire de même, hein. Vous y retrouverez toutes les informations pratiques. Il y aura bientôt des concours qui vont débarquer. Vous pourrez également nous envoyer tous vos messages. Et en parlant de messages, si vous avez envie de nous contacter là directement, tout de suite, maintenant, pour nous dire par exemple... que vous preniez au petit déjeuner, comment vous êtes levé, si vous êtes en pleine forme, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui. Bref, un petit coucou suffit, hein, aussi. C'est 3044 pour 57 le message. Vous nous envoyez un petit texto, un petit SMS, ça nous fait toujours très très très plaisir. Bref, on reste connectés, hein, même la semaine. On arrive le samedi et le dimanche entre 7h et 10h à l'antenne pour C'est que du fun. Mais le reste de la semaine, on est là aussi, les amis, sur Facebook, C'est que du fun, ou par SMS 3044 pour 57 le message. Vous nous envoyez un petit peu votre humeur du jour, tiens. Effectivement, pour la suite, le fun game, Kaufman. Oui, on parlera de la Nintendo NX qui doit arriver bientôt, mais quand, ça, on le sait moins. Et le son Dance Floor, ça se passe avec Dua Lipa. Pour la rentrée, gardez le smile avec le son Dance Floor de Fun Radio. Toute la journée, tous vos sons en premier pour continuer à faire la teuf toute l'année. Together, c'est la fête! Salut, c'est David Guetta. Salut, c'est Maître Gims. Hi, I'm Calvin Harris. Salut, c'est Soprano. Hi, this is Rihanna. Salut, c'est Martin Solveig. Toutes vos stars préférées sont sur Fun Radio toute la journée. Et dès 22h, pour faire la teuf en soirée, c'est plus fort Party Fun sur Fun Radio. Here we go. La teuf toute l'année, c'est sur une seule radio. Fun Radio, le son dance floor. Au cinéma, il y a ceux qui aiment les films de guerre, avec des héros qui tuent la moitié des méchants. Ou encore ceux qui aiment les comédies, parce qu'ils sont morts de rire la moitié du temps. Ou ceux qui aiment la science-fiction, avec des extraterrestres qui en veulent à la moitié l'univers. Parce que vous aimez le cinéma, et pas qu'à moitié, faites le plein de films au BNP Paribas Fortis Film Days. Du dimanche 25 au mercredi 28 septembre inclus, 4 jours full cinéma et chaque ticket à moitié prix. À ce tarif-là, tout le monde y va. Fun Radio. I'm here at the end, yeah. If I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. Now will you remember? Remember me when I'm gone. Remember the heat, yeah. That's keeping you warm, saying bye. Paradise. And I'll do anything you want me to when we're in paradise. I'll see you on the other side where it's alright. If tonight is the last night, I'll see you in paradise. Tonight is the last night. I'll see you in paradise.

Bon réveil sur Fun Radio avec le son d'Alex Germis. Et voici le Fun Game. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. On va parler de la console Nintendo NX. On s'envole donc pour le pays merveilleux et joyeux des consoles de jeux vidéo. Ouais. Et la NX, pour ceux qui ne savent pas, c'est la future console de Nintendo qui est en fait un hybride entre la console de salon qu'on peut rattacher à sa télé et la console portable qu'on peut emmener partout avec soi. Eh bien, la NX, on pensait qu'elle serait annoncée vers le 15 septembre. C'est ce qu'en tout cas déclaré un article du très sérieux New York Times aux États-Unis. Et maintenant, hier, nouvel article pour dire... Ah bah non, ça sera peut-être pas le 15 septembre, mais plutôt en octobre. Alors pourquoi un tel report ? Tout simplement parce que Nintendo a pas forcément envie de cumuler les annonces. Ils viennent de sortir de la keynote d'Apple, donc la conférence d'Apple, dans laquelle ils ont annoncé le nouveau jeu dont on vous parlait hier, Super Mario Run, et qu'ils ont envie de surfer peut-être un petit peu sur le succès avant d'en remettre une couche. Donc moi je parierais ce qui me reste d'argent après tous les paris qu'on a fait ce matin sur une annonce en octobre, une annonce complète et totale sur la teneur de la console, de quoi elle va être composée, mais également la date de sa sortie. Ouais, de toute façon, la sortie n'est pas prévue pour cette année. La sortie sera probablement prévue l'année prochaine. Aux alentours du premier ou deuxième trimestre 2017. Ouais. Ok, très bien, ça va arriver quand même très très très vite. Ça, c'est une super console en plus. Hein. Pour moi, c'est vraiment la nouvelle console génération. C'est la console qu'on peut mettre sur la télé, mais qu'on peut prendre aussi avec soi. Exactement, hein. Portable et transportable. Elle est parfaite cette console. Merci Kaufman pour l'info. On va s'intéresser à la télé maintenant. La télé avec une star américaine qui arrive en Belgique. Une star américaine arrive dans notre pays, Kaufman. T'es au courant ou pas ? Non, pas du tout, non. T'es pas au courant ? Je dévoile tout ça juste après. Alex Germis sur Fun Radio, on est ensemble jusqu'à 10h. C'est que du fun. Moi, je m'appelle David. Et lui, en face de moi, c'est Kaufman. C'est bien ça, hein ? Oui, bonsoir. So far. Nadja Laser, Justin Bieber débarquent sur Fun Radio. Et là, on s'intéresse à la télé parce qu'une star de télé et également de cinéma arrive en Belgique au mois d'octobre, Kaufman. Oui. Est-ce que tu connais David Hasselhoff ? Bien sûr, Alerte à Malibu. Ah, tu connais ça. Il a chanté aussi, il a eu un groupe, oui voilà, avec son beau maillot rouge. Ah oui, Kaufman. Et sa bouée de sauvetage. Cours sur la plage, Kaufman, je t'en prie. Bien, c'est que du fun. Hein. Fais ta Pamela Anderson, Kaufman. Oh, ah. Oh, ça bouge, oui, Kaufman. Viens me sauver, à l'aise, Kaufman. Mais toi, je vais te laisser couler, il n'y a pas un pli, quoi. Il a qu'il arrive en Belgique, David Hasselhoff, pour deux jours hein, seulement, faut pas non plus abuser. Ah, moi, je pensais qu'il venait vivre. Ah non, il n'y a pas vivre non plus bah, en Belgique. Bah, tu nous as vendu du rêve, t'imagines. Il aurait été sauveteur en mer du Nord. Ah ouais, c'est vrai. Allez dire qu'on y va. Le 22 et le 23 octobre prochain, il sera donc en Belgique à l'occasion d'un festival, tu le connais. En plus, je crois le oui, festival. Oui, oui. Comment il s'appelle ? Le festival Fact. Exactement. Ou Smart Toys est peut-être partenaire, on sait jamais. Non. c'est dans le nord du pays. C'est une très grosse convention dédiée aux jeux vidéo, au cinéma ouais. et au cosplay. Vous êtes déjà nombreux et nombreux à avoir pris vos tickets. C'est une des plus grosses conventions du genre effectivement. En Belgique. Et il sera donc là pour. Il sera là-bas pour des séances de dédicaces, également des questions-réponses. On peut lui poser toutes les questions, toutes les réponses, des photos également. Alors, si tu veux prendre une photo avec lui, il faut aller là-bas, ok ? J'ai une première question à lui poser, David. Do you have the phone number of Pamela, please? Il sera là-bas le 22 et le 23 octobre prochain. Ça se passe effectivement à Gand, Kaufman. Comme ça, t'as Gand, noté, ouais. T'as tout noté de les infos, c'est bon, Kaufman? Oui, bien sûr, j'y étais l'année dernière. Ça vaut le détour une fois pour voir. Hein. Ok, exactement. On s'intéresse au OM maintenant, Kaufman. On va s'intéresser à YouTube et à Molenbeek puisque les deux font ménage ce dimanche. Ah, ils font ménage carrément. Et oui, un événement à ne pas manquer qui fait la part belle à l'internet et ça tombe bien, c'est que du fun. Vous donne les infos. Internet, les infos jeux vidéo, tout ce qu'il ne faut pas manquer, les activités également à faire durant votre week-end. On est dans la place, samedi, dimanche, 7h, 10h sur Fun Radio. Voici Major Lazer et Justin Bieber. I met you in the summer, to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, dimanche matin sur Fun Radio, Tiesto débarque. Et on part sur le web avec Kaufman. Ah oui, on s'envole destination web comme chaque samedi, comme chaque dimanche, 7h-10h. On vous offre ces petits moments d'information, mais d'information intéressante. Si vous êtes à Bruxelles ce dimanche, ouais. Eh bien sachez que si vous ne savez pas monter une vidéo, écrire un script, apprendre via un coach nommé YouTube, ouais. Eh bien c'est ce que vous propose la commune de Molenbeek, qui est un événement qui a eu lieu hier, qui aura encore lieu aujourd'hui. Ajoutons que lors de cet atelier créatif, Abdel Envray, hein, l'humoriste belge, viendra faire part de ses connaissances en la matière. Enfin, notons que la participation à Molengeek, c'est comme ça que s'appelle, est complètement gratuite et ouverte aux jeunes de 16 à 25 ans. Vous retrouvez toutes les informations plus pratiques sur le site de la commune de Molenbeek. En tous les cas, belle initiative de combiner les nouvelles technologies avec la jeunesse. Et chez Fun Radio, évidemment, on ne pouvait que souligner et qu'applaudir ce travail. Sur place, nous apprend à faire des vidéos, en quelque sorte. Exactement. On va surtout vous donner les outils pour faire un bon script, comment écrire en 15-30 secondes avec un timing bien précis, plutôt que de laisser parfois trop libre cours à son imagination, et pour finir un peu gâcher ce qu'on avait à mettre dans sa vidéo. Là, on est véritablement pris en main

Madness is what you demonstrate, and that's exactly how hate works and operates. Man, we gotta set it straight. Take control of your mind, just meditate, and let your soul just gravitate to the love, so the it just ain't the same, always a change. Where's the love? New days are strange, just the world insane. Where's the love? Nation dropping bombs, killing our little ones. Where's the love? Ongoing suffering as we die young. Where's the love when a child gets murdered or a cop gets knocked down? Black lives not now, everybody matter to me. All racist, you don't like what I'm saying? Haterade, tall cases, everybody hates somebody. Guess we all racist. Black Eyed Peas do a song about love, and y'all hate this. All these protests with different color faces. We was all born with a heart, why we gotta chase it? And every time I look around, every time I look up, every time I look down, no one's on the common ground. Where's the love? And if you never speak truth, then you never know a love sound. Where's the love? And if you never know love, then you never know God. Where's the love? Where's the love? Love is the key. Where is the love? Love is the answer. Where's the love? Love is the solution. Where's the love? No, no. Where's the love? They don't want us to love. Where's the love? Love is powerful. Where's the love? Where's the love? What happened to the love and the fairness and the quality? Where's the love? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Where's the love? Lack of understanding leading us away from unity. Where's the love? Et je vous propose The Parakeet pour la suite du son dance floor. À partir de demain, vous allez pouvoir gagner un cadeau exceptionnel entre 6h et 9h à partir de demain. On vous offre l'iPhone 7. Pas mal. L'iPhone 7, il a été dévoilé il y a quoi? Il y a quelques jours, ouais, je crois, Kaufman. La semaine dernière. Il vaut entre 760 et 1100 euros. Là, on vous offre le truc à 1000 euros. Donc, un cadeau à 1000 euros sur Fun Radio. Ça se passe entre 6h et 9h du lundi au vendredi à partir de demain. Pour gagner l'iPhone 7, c'est très simple. Vous envoyez Bruno au 63 22. B-R-U-N-O. Bruno au 63 22. C'est 1 euro. Par message, vous pouvez vous inscrire dès maintenant, ça compte. Hein. Donc si tu envoies un SMS maintenant, Kaufman, oui, eh bien ça compte pour demain, pour le tirage au sort de demain, et tu peux gagner l'iPhone 7. C'est Bruno dans la radio qui offre ça toute la semaine prochaine. Inscrivez-vous maintenant et repartez avec le nec plus ultra des téléphones portables. Il a été annoncé la semaine dernière, l'iPhone 7. Il est peut-être à vous, Bruno, 6322 pour 1 euro le message. On vous souhaite évidemment bonne chance. Oui, bonne chance. Et quel cadeau quand même qu'on vous offre là la semaine prochaine, l'iPhone 7. J'en rêve, moi, tu vois. Je traîne encore un vieux téléphone et tout, à l'iPhone 7 on quel offre. Quel montant, il vient de s'acheter un tout nouveau téléphone. Ouais, mais bon, il vaut pas l'iPhone 7, hein, crois-moi que celui-là. Ah, il est bien mieux. Ouais, mais attends, des téléphones Ferrari, t'en trouves pas si facilement. Hein. Non, arrête, il coûte même pas 200 euros ce truc-là. D'accord. Là, il coûte 1000 euros l'iPhone 7. Hein. iPhone 7, quoi. Tu sais que c'est pas à son prix qu'on reconnaît la valeur d'un homme ni d'un téléphone. Effectivement, je vais envoyer Bruno, moi, 6322 euros par message, allez-y. Tirage au sort dès demain entre 6h et 9h. Pour la suite de l'émission, ça se passe avec des news télé et Vincent Lagaffe arrive en Belgique aussi sur la télévision belge. Vous allez pouvoir le retrouver sur une chaîne. Laquelle? La réponse, je vous la donne juste après The Parakeet sur Fun Radio. About to land, after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. Save me, save me. Run. I'm scared without my change. Là, on va se balader avec Willy William. Et nouveauté télé, à partir du 18 septembre, une chaîne belge va diffuser Vincent Lagaffe, une émission avec Vincent Lagaffe et Wick Hoffman. Ah, ça existe encore ça. Eh oui, effectivement. AB3, Vincent Lagaffe arrive sur AB3 dans une émission dédiée à l'automobile. L'émission est présentée par Margot Lafitte et Vincent Lagaffe est chroniqueur. Eh oui. Ouais. Ce dernier a pour mission de parler notamment de l'actualité dite insolite concernant l'automobile. La moto, c'est un spécialiste hein, dans le genre, il est très très fort là-dessus sur l'automobile. Ouais, ouais. Donc il en parlera à partir du 18 septembre sur AB3. C'est ça, chaque dimanche à midi. Voilà. Mais ce qui est ennuyant, c'est que AB3, ils ont de moins en moins de productions belges, ils achètent de plus en plus de productions françaises, donc de choses qui sont déjà passées à la télévision française. Bon, on comprend la logique économique, nous c'est on aimerait bien qu'il y ait plus de risques, plus de productions un peu made in Belgium, histoire de mettre en avant les talents belges, parce qu'il ne manque pas les talents belges, ils sont là tous les samedis et dimanches entre 7h et 10h. La grosse tête du type. Pas du tout. J'attendais pas que tu dises ça. Bah s'ils cherchent, voilà, tu pourrais en faire. De la télévision, non? Oui, c'est vrai, je veux parler automobile. Mais passe un appel, merde. C'est effectivement, dans quelques minutes, le fun game, Kaufman. Oui, on parlera de Thierry Henry, qu'on attend visiblement dans un jeu de foot, mais pas du tout, il sera présent dans un autre jeu, on vous dit dans lequel tout de suite. Ouais, juste après Willy Williams en Fun Radio. Bonne matinée, bon dimanche matin. Offre spéciale rentrée du journal Le Soir. Abonnez-vous au Soir et bénéficiez d'un superbe ordinateur portable. Recevez votre journal papier le jour de votre choix, accédez à tout moment à votre journal et au contenu numérique du Soir et choisissez entre deux ordinateurs parmi les meilleurs du marché. Souscrivez dès maintenant à partir de 29€ par mois sur lesoir.be/ordi et économisez jusqu'à 330€. Mardi, soirée spéciale, garde à vous sur RTL TVI. Mon prénom, c'est Patron. Philippe Malherbe retourne dans la caserne où il a fait son service militaire et embarque avec lui quelques personnalités. Vous enlevez les chapeaux, les bonnets et les casquettes. Je vais plus les voir. Juste après, vivez les aventures de jeunes garçons confrontés aux conditions du service militaire des années 60. À leur côté, des instructeurs plus sévères les uns que les autres. Vous n'avez pas le droit de baisser les bras, on est d'accord? Soirée spéciale, garde à vous, mardi à 19h45 sur RTL TVI. C'est que du fun, 7h-10h sur Fun Radio. Me donner la mélo, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la, parce que moi je me balade dans Paris, je me balade dans Paris, je me balade dans Paris, Paris, Paris, je me balade dans Paris, je me balade dans Paris, je me balade dans Paris. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. Rampa

si vous avez envie de vous inscrire. Oui, bien sûr. Juste l'inscription. Bien sûr, l'inscription. Hein. Ça peut se faire sur notre page Facebook. C'est okay. Que du fun. Ou au 6322 pour 1 euro le message. Vous envoyez je, J-E-U au 6322 pour 1 euro le message. Toute la semaine, vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez venir sur la page Facebook. Là, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas. Vous nous envoyez un petit message. Vous êtes déjà plus de 20 000 à avoir rejoint la communauté. Ouais. C'est que du fun, on vous en remercie et on sera là chaque samedi, chaque dimanche pour vous donner l'essentiel de l'information, hein, l'essentiel de l'info internet, des infos de société, ouais, des infos... La télé, le sport, ouais, les jeux vidéo sont au programme, il y a vraiment plein de choses. Et hein. Notre offre va se compléter mon ami, parce que j'ai entendu murmurer dans mon oreille qu'on allait continuer dans cette voie-là, vous donner des informations, et qui dit information, dit peut-être ciné, dit peut-être BD, je dis ça, je dis rien moi. Il y en aura plein de cadeaux à faire gagner en plus. Là, dans quelques minutes, c'est le jeu du Blackjack. Donc pour vous inscrire, vous envoyez jeu au 6322 euros par message ou sur la page Facebook C'est que du fun. Vous envoyez votre numéro en message privé et vous jouez avec nous en direct entre 7h et 10h. Pour la suite sur Dance Floor, ça se passe avec le duo Rihanna et Drake sur Fun Radio. Rencontrez votre DJ star Fun Radio, David Guetta, lors de son concert le 21 octobre au Etias Arena d'Asselt. Dès lundi, écoutez Fun Radio sans arrêt. Dès que vous entendez deux titres de David Guetta à la suite, c'est le double fun sur Fun Radio. Salut, c'est David Guetta sur Fun Radio. Double Fun. Soyez le premier à envoyer concert par SMS au 6322. Un euro message et gagnez vos places pour vous éclater avec David Guetta le 21 octobre au Etias Arena d'Asselt. Et peut-être gagner votre rencontre avec le DJ Fun Radio. Les concerts de vos stars préférées, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Fun Radio, c'est ma radio. Le son Dance Floor. Papa, c'est quoi un droit de veto ? Ah, imagine. Si tu demandes à un vétérinaire de faire du bouche à bouche à notre bulldog, il peut dire « Ah non, ça je le fais pas ». C'est le droit de veto. Enfin, je veux dire du veto. Voilà, tu comprends ? Comprendre l'actu, c'est plus simple avec le JDE. Le JDE, le seul journal d'actualité pour les 9-13 ans. Maintenant avec version numérique offerte. Conditions spéciales sur le JDE.be. Ici la voix. Soyez les bienvenus dans Secret Story. Secret Story, la quotidienne, c'est du lundi au vendredi avec Julie Taton et Christophe Beaugrand à 18h50 sur Plug RTL. C'est tout pour le moment. Le Plug RTL. Fun Radio. Le son. Trust me.

swim a part of ocean. Something more. One day I'll stop it all, it's true. And I will do it just for you. And I will do it just for you. Behind me. Dans quelques secondes, Lady DJ belge Dimitri Vegas et l'IMAX sont sur Fun Radio. Et là, c'est le moment de jouer au jeu du Blackjack. Et pour jouer avec nous, il y a Sandrine qui est là. Salut Sandrine. Salut. Salut Sandrine. Ça va bien Sandrine? Ça va bien et vous? Oui, ça va, en pleine forme. Allez, tu vas faire quoi de beau ce dimanche? Pas grand chose, c'est repos aujourd'hui en écoutant Fun. D'accord, et tu fais quoi de beau dans la vie? Je suis laborantine. Ah oui, ceci explique cela. Tu prépares des médicaments, des potions magiques toute la semaine et tout le week-end, tu essaies de te reposer en fait. Effectivement. Voilà. Allez, tu viens jouer avec nous au jeu du Blackjack. Le principe est simple, je dévoile des cartes une par une. Pour dévoiler une carte, t'as qu'à me dire encore. Et si la somme des cartes est comprise entre 18 et 21, tu gagnes des goodies. Et si tu as 21 piles, tu gagnes un jeu vidéo. Ok Sandrine? On va essayer, ok super. Allez, c'est parti. Première carte, c'est un 10. On continue? C'est bien ça, c'est bien parti. Oui. Ouais. On continue, très bien. Deuxième carte, c'est un 3. 10 plus 3. 13. Encore. Ok. Encore